La Drôme par Georges de Lys. Cette marée d'hiver était celle de la coupe de Goémon, cet engrais fertilisant des côtes bretonnes. Dès avant le jour, les chevaux avaient été attelés aux charrettes et par longues files s'échelonnaient sur les chemins accédant en grève. Hommes, femmes, enfants, tout le personnel valide était là, muni qui de serpes, qui de râteaux, prêts à entrer dans les moissons marines dès que le jusant les aurait mis à découvert. Toussaint le Calvé avait pris avec son attelage la suite des voitures de son voisin Gaffrique, et tout en marchant à la tête de ses chevaux, regardait aller devant lui Françoise, la fille du fermier, qui babillait avec ceux de sa maisonnée. Toussaint faisait grise mine en cheminant solitaire, à entendre la belle rire aux propos que lui glissait Guillaume Piriou, le hardi gars, fêté dans les bals et pardons par les filles émerveillées de sa faconde et de sa jactance. Depuis l'adolescence, le Calvé aimait secrètement Françoise. Jamais il n'avait osé se déclarer, intimidé par les yeux railleurs de la jeune fille, et aussi parce que moins pourvu qu'elle en bien de la terre, il craignait que sa recherche ne fût mal accueillie par les parents gaffriques. Parvenu sur le lieu de coupe, les chevaux installés devant la botte de fourrage apportée sur les charrettes, les gens, à leur tour, tiraient des paniers le pain, le lard, les galettes, le cidre destiné à leur réfection, et la bouteille d'eau-de-vie pour combattre la froidure. On mangeait en regardant le flot se retirer, et bientôt les premières chevelures du Goémon flottèrent à fleur d'eau. Aussitôt chacun courut à la tâche, insensible au contact de l'eau froide, qui après avoir mordu les mollets, baignait bientôt jusqu'aux hanches les plus hardies, appâtées par les grosses touffes encore en eau plus profonde. À larges coups de faucille, les hommes fauchaient, bientôt trempés des pieds à la tête, tandis que femmes, filles, enfants s'escrimaient de leurs râteaux pour accumuler la récolte en meules ruisselantes. Certains, plus aventureux, s'étaient avancés jusqu'à un chapelet d'îlots où l'on pouvait accéder alors, mais que la marée montante isolerait de la terre ferme. L'herbe marine y croissait plus touffue et plus abondante. Celle-ci ne serait pas ramenée sur la grève, mais pressée en drôme, c'est-à-dire en meules cerclées de liens que le flux ramènerait à terre, guidé à la gaffe par un gars hardi chargé de diriger la masse flottante. À leur tête était Guillaume Piriou, fier d'attirer les regards et d'être admiré pour son audace et son adresse. Sa drôme s'arrondissait énorme quand le flot l'entoura. Il avait renvoyé à terre ceux qui l'avaient aidé à façonner la meule et maintenant, dressé à son sommet, brandissant sa gaffe comme un cep, il attendait que la montée de la mer mît à flot son océan support. Enfin, la drôme flotta. Lentement, elle dériva. Guillaume, de sa perche, lui évitait les heurts contre les récifs autour desquels il la guidait pour la diriger vers la passe, et de là vers la côte, où, échouée au plus haut du flux, elle serait démolie et chargée sur les charrettes dès la redescente des eaux. Chacun admirait son habileté à tourner les obstacles, et Françoise admirait la prestance de ce gars dressé sur son île flottante dont la silhouette s'enlevait en vigueur sur l'horizon marin. Soudain, heurtée sans doute à quelque rocher invisible, recouvert par la mer, la drôme oscilla, pencha et brusquement chavira. Tous les regards se tendirent vers elle, guettant la réapparition du solide nageur qu'était Guillaume Piriou, qui dans le choc avait été culbuté dans les eaux. Françoise, toute pâle, prise d'un tremblement nerveux, semblait prête à défaillir. Guillaume ne réapparaissait pas. Avait-il été assommé par quelque heure sur le rocher perfide ou demeurait-il pris sous la masse de Goémon à moitié désagrégé dans sa collision? Toussaint aussi, du bord de l'eau, avait vu culbuter le faro dont il était jaloux. Ne croyant pas au péril de l'homme, il avait souri ironiquement de sa mésaventure. Mais maintenant, l'effroi seul soulevait son cœur. Alors il vit Françoise se lamenter à demi-folle. La jalousie lui tordit le cœur. Il arrêta le geste qui allait le précipiter à la mer au secours du malheureux. Mais aussitôt, il eut honte du sentiment mauvais qui le retenait sur le bord. Un compagnon était en péril, il se devait à lui, et délibérément, il plongea. En quelques brasses, il atteignit la drôme, qui n'étant plus dirigée, se déchirait et s'en allait par épave à chaque récif abordé. Infatigable, il se coulait au-dessous des herbes gluantes. Enfin, il saisit le bras d'un corps inanimé. Il remonta à la surface de la mer, soutenant le naufragé. Mais la froidure des eaux lui avait gelé le sang, lui engourdissait les membres. Le fardeau qu'il remorquait achevait d'épuiser ses forces. N'importe, il lutterait jusqu'au bout, périrait s'il le fallait avec l'autre, mais ne rendrait pas à la mer le malheureux qui lui avait arraché. Un moment vint où il sentit qu'il coulait. Il ferma les yeux et s'abandonna aux mains de Dieu. Au bonheur, aux surprises, son pied avait touché le fond. Titubant, il avança. Des camarades accoururent, le soutinrent, l'amenèrent à terre, où il s'effondra avec son sauveté. Une large rasade d'eau-de-vie versée dans sa bouche le remit debout. On avait emporté Guillaume dans la maison la plus proche. Il s'informa de lui. « Il s'en tirera, » lui dit-on. « C'est bon, » répondit-il simplement. Et comme si rien ne fût arrivé, il se dirigea vers sa charrette chargée et comme le matin, à la tête de son attelage, il se remit en route. De même que le matin encore, Françoise marchait en avant, mais elle ne riait plus. Elle savait que Guillaume, en revenant à lui, avait prononcé un autre nom de fille. Peu à peu, elle ralentit l'allure, attendit que Toussaint la rejoignît, alors elle lui tendit la main. « Je sais que tu m'aimes, » dit-elle, « que tu t'es jaloux de ce Guillaume. Tu l'as sauvé quand même. Lui, pense à d'autres qu'à moi. C'est toi qui es un homme. Prends la main que je te tends, et si tu veux, garde-la. » C'était La Drôme par Georges Delisle.